présence humaine à la gare Montparnasse. Clochard est laissé pour compte sur le bord de la Seine. Il y a toujours des gens sans importance que je remarque. On passe, on s'aime et on se tient la main au bonjour. Préservatif jonché sur le sol, reste d'amour inachevé, se laisser surprendre au coin de la troisième rue. Baby sister, dans les allées du jardin, disque dur en rade, carte mère en déroute, carte fille en partance. Électrocardiogramme plein, palpitation du cœur accéléré. Présence humaine à la gare ultramoderne, à la respiration des gaz d'échappement, l'oxygène des plantes grasses exporte des ailleurs et des rêves. Mention os, oies écorchées, Mozart démaquillé, écrire en braille. Préservatif jonché sur le sol, un reste d'amour inachevé s'est laissé surprendre au coin de la troisième rue. Il y a toujours des gens qui se sentent importants et qui jouent avec des sentiments qui